Bravo. Hakim Gorab, qui est quand même le directeur artistique de l'événement, s'il vous plaît, merci beaucoup vraiment d'être venu jusqu'à nous. Oui. Et on vous souhaite une très très belle édition 2018. Merci à toute l'équipe, merci. Merci, plein de succès pour ce grand bal masqué de Versailles samedi soir. Il est 23h. Les toutes dernières informations avec Alexandre de Saint-Aignan pour RTL Grand Soir. Il reste, on peut le dire en espagnol aussi, c'est queda. Après avoir fait durer le suspense, Antoine Griezmann annonce qu'il sera toujours madrilène la saison prochaine. L'attaquant français était courtisé par le FC Barcelone, mais il dit avoir été convaincu par le projet de son club actuel, l'Atlético de Madrid. Antoine Griezmann, fidèle donc à deux jours de son entrée avec les Bleus en Coupe du Monde. L'attaquant français est arrivé avec la délégation tricolore à Kazan ce soir, où les hommes de Didier Deschamps affronteront l'Australie samedi. La Coupe du Monde s'est ouverte aujourd'hui par la victoire écrasante de la Russie, pays hôte, 5-0 sur l'Arabie Saoudite. La France se dit prête à accueillir des migrants de l'Aquarius. À condition qu'ils répondent aux critères du droit d'asile, annonce ce soir le ministère français des Affaires étrangères. Après le refus de l'Italie et de Malte d'accueillir le navire de SOS Méditerranée avec 630 migrants à son bord, seule l'Espagne a accepté que le bateau accoste au port de Valence. La petite martyre de l'autoroute A10 s'appelait Inas. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour connaître son identité. Le corps de cette fillette avait été retrouvée battue à mort en 1987 près de Blois. Impossible de savoir qui elle était, mais l'ADN a finalement permis à l'enquête d'avancer. Les parents de la victime ont été mis en examen ce soir. Aujourd'hui, sexagénaires, ils s'accusent mutuellement du meurtre de leur fille. Le procureur de la République de Blois, invité d'RTL Grand Soir, a salué le professionnalisme des enquêteurs. Deux projets d'attentat déjoués en région parisienne, Alexandre, et dans le Loiret. Deux hommes ont été interpellés ces derniers jours en Seine-et-Marne, soupçonnés de préparer une attaque au nom de Daesh contre la communauté homosexuelle. L'antiterrorisme a également arrêté un homme radicalisé dans le Loiret le mois dernier. Un engin improvisé a été découvert à son domicile. Le suspect comptait s'en servir contre un club libertin. Accusé de viol, Gilbert Collard dément fermement. Une plainte a été déposée contre ce député du Rassemblement National, ex-FN, pour des faits qui remonteraient à 2006 et 2007. Dans son cabinet d'avocat à Marseille, la plaignante témoigne chez nos confrères de BFM TV, confiant ses envies de suicide. Gilbert Collard annonce qu'il répondra demain par médias interposés. L'Aïd El Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois du Ramadan, aura lieu demain en France, annonce ce soir le Conseil français du culte musulman. Le mois de Ramadan avait commencé le 17 mai. La météo pour demain. 11 départements du nord-ouest et du sud-ouest toujours en vigilance pour des crues importantes. Pour le ciel, on retrouve Patricia Charbonnier. Rebonsoir Patricia. Elle est pas là, Patricia. Elle est pas là. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Vous savez, elle est à Versailles. Ça y est, elle est partie. Costume. Bah oui. Mais Patricia, reviens-nous la prochaine fois, Patricia. Oh là là là là. La météo, pour l'instant, ça s'arrange un petit peu. Ça s'arrange un petit peu, mais encore beaucoup de nuages. Hein. Oui, il y aura encore un petit peu de nuages demain. On va attendre un petit peu pour le soleil. Très bien. Mais lui, il reste toujours avec nous. Et ça, c'est un bonheur. C'est Georges Lang. Notre soleil à nous. Le temps de se dire au revoir. Et on se dit à demain, puisque demain, nous sommes vendredi, 22h, 23h, RTL Grand Soir. Et bonsoir à vous, Georges. Bonsoir, Georges. Merci à RTL. Bonsoir à toute l'équipe. Vous étiez excellent. Ah oui. Et je vous propose dans quelques instants de partir avec moi du côté des plages de Californie. Great. Parce que aujourd'hui, nous sommes jeudi. Yes. Et le jeudi soir, vous le savez, la collection est teintée Beach Party. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et si on parlait de la French Touch Renault ? Prenez place à bord de Twingo. Pratique avec ses portes arrière, facile pour vous faufiler en ville avec son rayon de braquage record de 4,30 m et fluide avec sa boîte automatique à double embrayage. Testez-la aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Twingo est à partir de 7 990 euros. Pour Twingo Life SE 70, aux conditions de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'éco-prime Renault de 800 euros et gouvernementale de 1 000 euros déduite. Offre valable jusqu'au 30 juin. Voir Renault.fr. French Touch touche française. Si on parlait Renault Service. Bonjour, c'est Monsieur Richard. Alors, prêt pour les vacances? Maillot, ok. Licorne gonflable, ok. Et votre voiture, vous y avez pensé? Renault vous offre le bilan départ en vacances. Pression des pneus, ok. Amortisseur, ok. Profitez de l'ouverture exceptionnelle ce samedi pour effectuer votre bilan départ en vacances. Il vous est offert. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet 2018. Voir conditions sur Renault.fr. Paris en sport. Et voilà, c'est fait, 6-0. Oui, 6 jolis zéros bien alignés après le chiffre 3 et qui donne un super pacte lotofoot de 3 millions d'euros à gagner ce vendredi. Oh là là, que c'est beau! 3 millions, oui, c'est très beau. Encore plus dans le match avec Paris en sport. Ce vendredi, ne manquez pas le super pacte lotofoot de 3 millions d'euros minimum. Montant partagé au rang 1, lotofoot 15. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonjour, je viens de voir l'annonce BMW Série 1 M Sport Ultimate à 295€ par mois. Oui, et sans rien à ajouter. Mais le prix, c'est pas celui du super modèle en photo, là? Si, c'est celui de la BMW que vous voyez. Sans aucun apport? Aucun. Avec tout l'équipement indiqué, mais aussi l'entretien et l'extension de garantie inclus. Ça, c'est 100% clair. Découvrez la BMW 1/16i M Sport Ultimate à 295€ par mois sans apport pendant les BMW Speed Dates. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 juin. Détails sur bmw.fr. Speed Dates, rencontre rapide. La reprise de la musique, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. RTL. Il possède 1 million de disques. Il a sélectionné les meilleurs. George Lang. La collection George Lang sur RTL. Et nous sommes jeudi soir. La collection est teintée Beach Party. Soul Time pour démarrer. Les Four Tops. Collection du jeudi soir. I ain't Franklin, respect, écrit par Otis Redding. RTL, écoutez le son qui vous fait vibrer. George Wang, le son qui vous fait rêver. La collection George Lang sur RTL. Good old 60s. Welcome aboard. Oh, there's a crazy little shack beyond the tracks. And everybody calls it the Sugar Shack. Well, it's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Some trash. You can understand why I've gotta get back to that Sugar Shack. Whoa, baby, to that Sugar Shack. Yeah, honey, to that Sugar Shack. Oh, yes, to that Sugar Shack. And now that Sugar Shack queen is married to me, yeah. We just sit around and dream of those old memories. Just me and her, yes, we're gonna go back to that Sugar Shack. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Does a hanky panky. baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. My baby does a hanky panky. Tommy James and the Shondells. Cool, la musique des années 60. Comment l'écouter? Dans le monde entier, plus particulièrement sur les plages de Californie. It's Bill Barber. Let the good times continue. Coming up this hour, the Rascals, the Monkees, Beatles, Righteous Brothers, Bull Brummels, to mention a few. And we kick it off with Jay and the Americans. Good time oldies, cool 105.9, Orlando. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'll have Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. Sur RTL, tous les soirs de la semaine, de 23h à midnight. Et on enchaîne. Après les Easy Beats, Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Jenny, take a ride. Come on, Jenny. Your man has come. See you right. Surf's Up Weekend, spotlighting songs that made a trip to the beach. KRTH Los Angeles. Et voici Juan Fontana maintenant. And the Mindbenders. Avant, bien sûr, c'était... Vous l'avez reconnu, oui? Ben oui. Beach Rider and the Detroit Wheels. The Game of Love. The purpose of a man is to love a woman. And the purpose of a woman is to love a man. Come on, baby, let's start today. Come on, baby, let's play the game of love. It started long ago in the Garden of Eden, when Adam said to Eve, baby, you're for me. So come on, baby, let's start today. Come on, baby, let's play the game of love. Love, love, la, la, la, la, love. Oh. Come on, baby, cause the time is right. Love your daddy with all your might. Put your arms around me, hold me tight. Play the game of love. The purpose of love. Pour une séquence rock'n'roll. La collection Tinted Beach Party. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, no boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling. And you can hear my heart calling. A little bit of love. With a reminder from Boss Video KHJ-TV. Tonight at 9 on Channel 9, you'll see our exclusive Beatles special. See John, Paul, George, and Ringo singing She Loves You, All My Love Until It Was You, and all the great Beatle Goldens. See the Beatles tonight at 9 on KHJ-TV. A reminder from Sam on the station that's happening. 93 KHJ. Just let me hear some of that rock and roll. a jubilee. Then Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't get to hear them play it. Up a honey, it's your lover boy me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes for the jukebox blow the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, a bopping at the high school hop. Well, the bopping at the high school hop, taking at the high school hop. Oh, beating for high school hop, we're rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop, shaking at the high school hop. At the high school hop, hey, everybody bopping, hey, everybody rocking, a bumping at the high school hop. Now let's go. Well, now let me tell you something, baby, I'm gonna give you some good news. Look at here, speak to mama, let the front off. Yeah, my heart can beat a rhythm, my soul is singing the blues. Well, I'm bumping at the high school hop, bumping at the high school hop, jumping at the high school hop, we're rolling at the high school hop. Well, everybody's hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go. Killer, Jerry Lee Lewis, High School Confidential, avant les Beatles, rock and roll music, Buddy Holly, oh boy! And now, listen to this. It's time for another hour of good times and great oldies on Oldies 96.3. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, dang, dang, dang, ding, dong, ding, boom, moon, moon, moon, moon, moon, dip, dip, dip, dip, moon, moon, moon, moon, moon, dip, dip, dip, dip, moon, moon, moon, moon. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding it on ding boom. You saw me standing alone without a dream in my heart. You without a love of my own. Bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding it on ding boom. Somebody whisper me, oh. bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding and all ding boom. Bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding and all ding boom. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding and all ding blue moon. Hello baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lost. Make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, or like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8. And don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face. Ponytail hanging down. A wiggle in a walk and a giggle in a talk. Low, made the world go round. The Big Bopper, Chantilly Lace. Oh, baby, that's what I like. Et on va se prélasser au soleil de la Californie avec les Beach Boys. Cool, on a le choix des plages. The warmth of the sun, la chaleur du soleil. For I am the moon of the summer. passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher liked to call. He knows I'm gonna stay. Georges Lang. The Woman. Percy Sledge. Les mamas et les papas avant California Dreaming, les Beach Boys. The Warmth of the Sun. Et ça n'est pas fini avec ces choses douces. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. Elvis Radio. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger

collection des jeudis soirs teinté Beach Party. Tiens, voici Jackie Wilson, Reed Petit. Well, look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Oh, ah, oh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, aye, aye, aye, aye. And she's so fine, fine, fine. She's really sweet, the finest girl I ever wanted me. Head to toe, I want the world to know. I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me in the day and night. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. She's the finest girl you ever want to meet. Well, she's like honey from a Again. Ça aurait pu s'appeler Excuse Me Partner. C'était Timmy Euro à l'instant. Et ça m'amène à vous parler d'une petite chose. Dans quelques minutes, nous serons le 15 juin. Au-delà de minuit, ce sera le 15. Et le 15 juin, tout le monde le sait, c'est l'anniversaire de Johnny. Petite pensée pour Johnny qui nous manque vraiment. Et demain, sur RTL, on en reparlera de Johnny Hallyday. Notamment, dans Laissez-vous tenter, ne ratez pas le rendez-vous que vous fixe toute l'équipe de Laissez-vous tenter sous la houlette d'Anthony Martin. Well, it's one for the money, two for the show, step on my blue suede shoes. Well, you can do the thing, you're for my blue suede. Johnny, pour terminer cette collection. Well, you can knock me down, step on my face, sign my name all over the place. Do the thing that you want to do, but only half of my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. C'est la fin de cette collection teintée Beach Party Johnny avec Blue Sweet Shoes et dans quelques instants, je vous propose de me retrouver pour cette émission du jeudi soir, minuit 1h du matin, WRTL Country. Et si on parlait de la French Touch Renault ? Prenez place à bord de Twingo. Pratique avec ses portes arrière, facile en ville avec son rayon de braquage record et fluide avec sa boîte automatique à double embrayage. Testez-la aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Twingo Limited dans LLD est à partir de 99€ par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. Pour Twingo Limited SE 70 sur 49 mois avec un premier loyer de 1 500€ jusqu'au 30 juin si accordiac. Voir Renault.fr. French Touch, touche française. Et si on parlait de la French Touch Renault ? Découvrez Mégane et sa large gamme de nouveaux moteurs essence. Plus de couple et d'agrément, mais pas plus de consommation. Couplé à une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses, ils vous emmèneront très loin dans le plaisir de conduire. Rendez-vous aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Mégane en LLD est à partir de 169€ par mois sous condition de reprise. Pour Mégane Life TCE 115 sur 49 mois avec un premier loyer de 1 800€ jusqu'au 30 juin si accordiac. Voir Renault.fr. French Touch touche française. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Alors, prêt pour les vacances ? Maillot, ok. Licorne gonflable, ok. Et votre voiture, vous y avez pensé ? Renault vous offre le bilan départ en vacances. Pression des pneus, ok. Amortisseur, ok. Profitez de l'ouverture exceptionnelle ce samedi pour effectuer votre bilan départ en vacances. Il vous est offert. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet 2018. Voir conditions sur Renault.fr. La reprise de la musique, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiac jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Pour le moment, il est minuit. Les infos. 24 heures d'info avec Alexandre de Saint-Aignan. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est parti pour un mois. La Russie a donné le coup d'envoi de sa Coupe du Monde de football avec une victoire écrasante dès l'entrée face à l'Arabie Saoudite, 5-0. Pour les Bleus, les choses sérieuses vont commencer ce samedi face à l'Australie. Les hommes de Didier Deschamps sont arrivés à Kazan, là où va se jouer leur premier match. En parallèle de ce début de compétition, l'attaquant français Antoine Griezmann annonce qu'il reste à l'Atlético de Madrid. La saison prochaine, il était courtisé par le Barça. L'actualité également marquée par la mise en examen des parents de la petite martyre de l'autoroute A10, 30 ans après la découverte du corps de cette fillette battue à mort. Les enquêteurs ont finalement réussi à l'identifier. Elle s'appelait Inas, elle avait 4 ans. Ses parents ont été retrouvés grâce à leur ADN. Ils se renvoient la responsabilité de la mort de leur fille. Le procureur de la République de Blois, invité d'RTL Grand Soir, a salué le professionnalisme des enquêteurs. Le travail des services de renseignement a porté ses fruits. Deux projets d'attentats ont été déjoués. Le premier, au mois de mai, contre un club libertin. Un suspect radicalisé a été interpellé dans le Loiret. La deuxième attaque aurait pu cibler la communauté homosexuelle. Deux hommes ont été arrêtés ces derniers jours en Seine-et-Marne, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le député Rassemblement National Gilbert Collard, visé par une plainte pour viol, c'est une cliente de son cabinet d'avocat situé à Marseille qui l'accuse d'abus sexuels à deux reprises, en 2006 et 2007. Gilbert Collard dément formellement les faits et annonce qu'il va lui aussi porter plainte pour dénonciation calomnieuse. La France se dit prête à accueillir les migrants de l'Aquarius à condition qu'ils répondent aux critères du droit d'asile. Leur situation sera examinée en Espagne, seul pays à avoir proposé aux navires de SOS Méditerranée d'accoster dans le port de Valence. Le bateau qui transporte 630 migrants avait essuyé le refus de l'Italie et de Malte. Johnny aurait eu 75 ans. Nouvel hommage pour l'idole française du rock ce vendredi. 6 mois après sa disparition, des milliers de fans vont se rassembler à l'église de la Madeleine pour une messe anniversaire. Les funérailles de l'idole des jeunes, mort le 5 décembre, avaient été célébrées 4 jours plus tard dans cette église parisienne, devenue un lieu de mémoire pour ses admirateurs. La météo, les nuages dominent sur une bonne partie du pays, avec quelques pluies entre le nord-est, le centre et le sud-ouest. Le temps sera plus ensoleillé dans le nord, le nord-ouest et sur les rivages de la Méditerranée. Les températures l'après-midi, 17 à Limoges, 20 à La Rochelle, 22 à Nantes, 23 à Paris et à Lille, 25 à Lyon, 29 à Marseille. On termine avec les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet à Vincennes. Il vous conseille de miser sur le 12, l'As, le 13, le 10, le 8, le 2, le 5, le 14 et la dernière minute, c'est le 10 Tripolini VP. RTL, 24 heures d'info. RTL, première radio de France. Avant de parler de WC Country et vous proposer le débriefing du CMA Fest qui s'est terminé il y a quelques jours en Nashville, je voudrais vous rappeler que la valise RTL a été gagnée dans les grosses têtes. Par conséquent, j'ajoute un coffret Attack Jurassic World Velociraptor de chez Mattel. Je répète, un coffret Attack Jurassic World Velociraptor de chez Mattel. Voilà, si on vous appelle, sachez que j'ai ajouté cela. Et puis, si vous voulez participer à ma valise, il faut vous inscrire, bien sûr. Alors, vous faites un numéro qui est le 74 900, vous envoyez un SMS et vous mettez le mot « valise ». C'est tout simple. Alors, je vous dis bonne chance et merci de nous écouter, en tout cas. This is After Midnight Music. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission d'une heure qui vous permet chaque jeudi de vivre à l'heure des États-Unis. Et comme je le disais, je reviens de Nashville. Ça n'a pas été sans mal de revenir parce qu'il y avait du mauvais temps aussi sur place. Ce qui fait que les avions ne sont pas partis à l'heure comme il le fallait. Mais je suis rentré. Et là, je peux vous parler de la 47e édition du CMA Fest qui a vécu. Il y a 4 jours, dimanche soir, Luke Bryan donnait le dernier show de cette semaine tant attendue, la Crazy Week, organisée par la Country Music Association. Des dizaines de milliers de fans se sont donc déplacés à Music City pour écouter leurs artistes préférés. Et une fois de plus, 11 scènes avaient été montées en différents endroits du downtown de Music City, Nashville, pour permettre à des dizaines, des centaines d'artistes ou de groupes de se produire. Et le temps était idéal pour cet événement, puisque le soleil a été, on peut le dire, quasi omniprésent, avec des températures souvent supérieures à 34 degrés. Tout a commencé le mercredi soir avec les CMT Awards qui se sont déroulés à la Brixton Arena sur Broadway, diffusés en direct sur CMT, Country Music Television. La soirée était présentée par le groupe star Little Big Town. Les awards ont été attribués aux nombreux artistes présents sur la scène légendaire. Et le lendemain, le quotidien, le Tennessean, titré en une « Little Big Town gets party started ». Autrement dit, eh bien, grâce à Little Big Town, tout peut commencer. Blake Shelton et Carrie Underwood sont les deux grands gagnants de la soirée. Blake a décroché la récompense la plus prestigieuse, l'award de la vidéo de l'année avec « I'll name the dog ». De son côté, Carrie Underwood a donné la veille un concert au fameux Grand Ole Opry dont elle est membre depuis 10 ans. Et puis, à part ça, il faut aussi parler du traditionnel Late Show de Marty Stewart, 17e édition, qui a lieu à 22h. À l'ancien Grand Ole Opry au Ryman Auditorium. Il y avait là de belles surprises, comme chaque année, avec notamment Chris Stapleton, qui sortait tout juste d'ailleurs des CMT Awards de la Bridgestone Arena. Faut dire que le Ryman est juste en face. John Prine était là également, ainsi que deux anciens membres des Byrds, Roger McGuinn et Chris Hillman, qui tournent d'ailleurs cet été avec Marty Stewart. Ils ont interprété des succès des Byrds, comme My Big Pages, So You Wanna Be a Rock and Roll Star, ou bien encore Turn, Turn, Turn. Alors voilà une bonne occasion de démarrer cette émission, de réécouter My Big Pages avec les Byrds. C'est John Pardy qui a lancé véritablement le CMA Fest mercredi matin à 10h en se produisant sur la scène du Riverfront, une scène installée sur une barge accostée au bord de la rivière Cumberland. Des milliers de fans sont venus pour ce lancement du festival, profitant et du soleil, il faisait beau, il faisait chaud, et de la musique. Celui qui a été désigné Best New Artist of the Year en novembre dernier, lors des CMA Awards, a chanté la plupart de ses succès. Après lui, se sont succédés Lorraine Alena, Lee Price, Carly Pearce, qui a obtenu d'ailleurs la veille un CMT Award pour sa vidéo Every Little Thing, ainsi que Frankie Ballard et Lokash. Vous écoutez le débriefing de CMA Fest qui a eu lieu à Nashville il y a quelques jours. Je serais presque tenté de dire il y a quelques heures. Le voici, John Pardy. Been up since the crack of dawn, just trying to get paid. Been hotter than 100 suns, I can't find no shade. Just two more rows and I'm good to go. Yeah, I'm shutting this tractor down. Give me a half an hour for a shave and a shower, and I'll be outside your house. Might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Up inside, gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. Yeah. Got a little dirt on my boots. Hard as I worked all day, I'm gonna work hard loving on you. Dance floor right out of them high heel shoes. And when you're ready to quit, baby, we can slip right out of that barroom door. And when I take you home, I'm gonna kick him off on the porch. Might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they gonna shine with you up inside. Gonna hit the club, gonna cut up, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. Jeudi soir à 19h30, dans l'enceinte du Nissan Stadium, le stade de football américain qui se trouve juste dans le prolongement de Broadway de l'autre côté de la Cumberland, le premier show des soirées du CMA Awards a permis à la patronne de la CMA, Sarah Tryon, de prendre la parole et de souhaiter la bienvenue aux fans réunis dans ce stade qui accueille toute l'année l'équipe des Titans de Nashville, les Nashville Titans. C'est donc le premier des quatre grands shows qui réunissent chaque soir entre 80 et 100 000 personnes. Et c'est bien sûr par la présentation des couleurs du drapeau américain que la soirée a commencé, avec la fanfare du Marine Corps de New Orleans. Et ce sont les Oak Ridge Boys, quatuor légendaire à Nashville, qui ont interprété l'hymne de Star Spangled Banner. Ils ont ensuite enchaîné avec l'un de leurs grands succès, Elvira. À noter que parmi les artistes présents ce premier soir, il y avait Ken Brown, qui a bien sûr chanté son grand succès, What Ifs, avec Lauren Alena, qui l'a rejoint sur scène. Il a chanté également un autre titre qui est bien classé dans les charts actuellement, Heaven. Il est numéro 2, ce titre, dans le top 10 du Billboard. Nashville heats up this June 7th through 10th at CMA Fest. Limited 4-day passes remaining, so get yours now. See Carrie Underwood, Luke Bryan, Blake Shelton, Kelsey Ballerini, Brett Eldridge, Keith Urban, Brothers Osborne, Chris Stapleton, Dan and Shay, Dierks Bentley, John Party, Darius Rucker, Dustin Lynch, Luke Combs, and many more. Rock the stage at Nissan Stadium. Be there June 7th through 10th for CMA Fest. Download the CMA Fest app or visit cmafest.com to get your 4-day passes before they're gone. More happy new country. Double U Country FM. Le voici Ken Brown. Heaven. Un titre qu'on entend à longueur de journée sur les radios country aux États-Unis. This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up. Even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced. 'Cause I don't know how heaven, heaven could be better than into this world. What did I do right to deserve you, girl? I could stay here forever. I'd be fine if we never had to even leave this room. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. So beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced. 'Cause I don't know how heaven, heaven could be better than this. Oh, could be better than this. Ken Brown, qui représente la nouvelle génération, qui adore la country à Nashville. Ken Brown, tatoué comme c'est pas permis, avec une casquette blanche et qui est cool sur scène. Au cours de cette première soirée, un duo que l'on entend souvent dans W Country a été très ovationné par la foule. Il s'agit de Dan and Shay. Ils ont d'ailleurs obtenu un CMT Award la veille à la Bridgestone Arena pour leur nouveau titre Tequila. Et je suis content pour eux, car ils le méritent, souvent battus par d'autres duos comme Florida Georgia Line, ou bien encore les Brothers Osborne. Ils ont enfin obtenu la reconnaissance de ce country business, mais aussi du public. Et là, je suis vraiment content pour eux. I can still shut down the party. Dan and Shay, Tequila, nouveau single en W Country sur RTL. I can drink whiskey and red wine, champagne all night, little scotch on the rocks, and I'm fine, I'm fine. But when I taste tequila, baby, I still see you cutting up the floor to sorority t-shirt. Same one you wore when we were sky high in Colorado. Your lips pressed against the bottle, screaming on a Bible, baby, I'd never leave you. I remember how bad I need you when I taste tequila. When I taste tequila, I can kiss somebody. Tequila. Darius Rucker a également chanté au cours de cette première soirée au Nissan Stadium. L'ancien chanteur de Hootie and the Blowfish a bien sûr interprété son premier grand succès, Wagon Wheel, repris par la foule, mais il a aussi chanté les titres de son dernier album. L'album s'appelle When Was the Last Time. Il a chanté par exemple The First Time, et For the First Time, on va l'écouter tout de suite en W Country sur RTL. W Country. You say you never danced to a dashboard singing R.E.M. under summer stars. Never leaned back on a jet black Chevy blowing smoke rings in the dark. You don't want rumor girl, and I feel just the same. Yeah, I know that you don't know me well, but we can make that change. When was the last time you did something for the first time? Yeah, let yourself go, follow that feeling. Baby, something new. First time. the First Time, Darius Rucker. Les deux frères Osborne sont montés sur la scène du Nissan Stadium après Darius Rucker. Ils sont bien sûr très populaires depuis qu'ils ont raflé plusieurs awards en devançant, par exemple, dans la catégorie des duos, Florida Georgia Line. Leur dernier album s'appelle Port St. Joe, mais ils n'ont pas oublié de nous offrir leur grand succès de l'album précédent, It Ain't My Fault. Et ce fut une fois plus ce délire dans le Nissan Stadium lorsqu'ils ont chanté ça. Et puis est arrivé le dernier artiste de ce jeudi soir, Jason Aldean, l'un des rares country boys actuels à porter le chapeau. Tout le monde l'attendait et attendait qu'il chante son dernier single que l'on entend à longueur de jour et de nuit sur les radios country aux États-Unis. Et il a chanté ce titre d'une voix puissante. Il a interprété You Make It Easy. You're my inspiration, girl. You take me places. Put the words right into these songs. Stealing kisses undercover, babe. See forever when I see your face. And I swear God made you for me. You make it easy. Feathers, angel. Yeah, I'm down for life. You got me wrapped around your finger, and I like it just in case you. Taking over Music City with free nighttime shows June 7th through 9th on the Cracker Barrel Country Road Stage at Ascend Amphitheater. Performances by Cole Swindell, Lee Bryce, Lindsay L., Tyler Farr, Michael Ray, Chase Rice, Morgan Evans, Maddie and Tay, Granger Smith, and more. Doors open at 6 p.m., shows at 7. Get VIP early access with CMA Fest Nash Pass Ticket Bundle available for a limited time at cmafest.com. That's right, free nighttime shows June 7th through 9th during CMA Fest. Download the app or visit cmafest.com for lineups. Je vous l'ai dit, il y avait 11 scènes, 11 stages comme on dit là-bas, qui étaient disséminées dans tout Nashville pour accueillir les nombreux artistes et groupes pendant le CMA Fest. Je suis d'ailleurs allé voir Delta Ray qui se produisait le 7 juin vers 12h30 sur la Chevy Breakout Stage, la Chevy comme Chevrolet parce que chaque scène est sponsorisée. Je les avais déjà vus au Stagecoach Festival il y a un mois en Californie. Ce sont 6 membres dont 3 sont 2 frères et 1 sœur. Ils sont originaires de Caroline du Nord, à Durham. Ils se sont formés il y a 9 ans, donc ce ne sont pas des jeunes perdreaux, ils ont quand même de l'expérience, mais ils ne se sont pas très connus. Leur particularité, c'est qu'il y a deux chanteuses, Brittany et Elizabeth. On écoute souvent leur succès dans la collection Les Nocturnes ou Double Country, le succès No Peace in Quiet, mais ils ont d'autres chansons qui me plaisent vraiment beaucoup, comme par exemple ce qu'on va écouter maintenant, A Long and Happy Life, Delta Ray. Double Country, le débriefing du CMA Fest. I was born to a family of jokers, gamblers and smokers, living on the line. I was raised by strong-headed women, men who tested limits and did a little time. The shores of Palmetto Bay, knowing I'm so lucky. A long and happy life, Delta Ray. Vendredi 7 juin, sur la scène du Nissan Stadium, Day 2. Charlie Pride ouvre la soirée. Également au programme, Brett Young, Jake Owen, Luke Combs qui chante bien sûr When It Tried It Pours. Arrive ensuite Black Shelton pour un show relativement court et c'est bien dommage. Il chante l'un de ses premiers succès, Austin, puis également Boys Run Here et aussi I Name the Dog, ce titre qui est sur l'album Texacoma Shore. En tout cas, c'est toujours impressionnant de voir ce Blake Shelton. Je rappelle qu'il est le juré de The Voice aux États-Unis et que c'est un vrai showman. Il est cool, mais terriblement efficace. D'ailleurs, le titre qu'on va écouter maintenant, celui dont je vous ai parlé, qui s'appelle I'll Name the Dogs, lui a permis de gagner le CMT Award de la meilleure vidéo mercredi 5 juin. C'était donc 2 jours auparavant. Le voici, Blake Shelton. Écoutez Double Country sur RTL. Girl, it's high time I tell you, no more messing around. Time to lay these cards on the table and just throw it on out. I'm talking you and me with the same street name, same last name, same everything. It's a real thing, a how feel thing. So I'ma go on and take a swing. You find a spot and I'll find the money. You be the pretty and plant the kisses. Baby, let's get right down to business. I'll hang the pictures, you hang the stars. You pick the pain, I'll pick a guitar. Sang you a song out there with the crickets and the frogs. You name the babies and I name the dogs. Yeah, I name the dogs. You name the babies and I name the dogs. Yeah, I name the dogs. Black Shelton, I'll name the dog. Vous écoutez Double Country, la radio, la musique, comme aux États-Unis. Et la soirée de vendredi soir se termine avec Old Dominion, un groupe qui a fait beaucoup d'effets, et le show de Carrie Underwood, qui elle aussi a gagné un CMT Award 2 jours plus tôt. Elle chante bien évidemment le single Cry Pretty, qu'on a découvert il y a quelques semaines. L'ancienne gagnante, Carrie Underwood, ancienne gagnante de la saison 4 de American Idol, collectionne les prix. Elle a obtenu 7 Grammy Awards, 10 Billboard Music Awards, 14 ACM Awards, Academy of Country Music, 12 American Music Awards, 8 CMA Awards, Country Music Association, et un Guinness World Records. Elle est une énorme vedette aux États-Unis, et je rappelle que c'est elle qui, depuis une dizaine d'années, présente les awards de la CMA en novembre, en compagnie de Brad Paisley. La voici, Carrie Underwood. Cry pretty. I'm sorry, but I'm just a girl, not usually the kind to show my heart to the world. I'm pretty good at keeping it together. I hold my composure for worse or for better. So I apologize if you don't like what you see, but sometimes my emotions get the best of me, and falling apart is as human as it gets. You can't hide it, you can't fight, but the truth is, you can't pretty lie and say it's okay. Dress it up and lace or on stones. It don't matter if you're in a crowd or home alone. Yeah, it's all the same when you're looking in the mirror. A pinch or a pain. When the dam breaks, when all Adam the Wood, Cry Freddy. Débriefing toujours du CMFS qui a eu lieu il y a quelques jours à Nashville. Day 3, troisième jour, le Nissan Stadium est bondé, c'est samedi soir. Entre 90 000 et 100 000 personnes se pressent sur la pelouse ou dans les gradins. Liam Womack et John Pardy sont les premiers à chanter. Puis Dustin Lynch arrive, ainsi que Kelsey Ballerini. En tout cas, il faut noter que Kelsey Ballerini, qui est une jeune fille qui chante dans la country depuis quelques années, et Thomas Reid présenteront le show télévisé de CMA Fest, qui est filmé, capté par ABC, la chaîne de télévision ABC, qui sera diffusée en été, au mois d'août. Une surprise de taille dans cette soirée, en plein milieu du show, Sam Hunt arrive des gradins et chante sa nouvelle chanson qui s'appelle Downtown's Death. Et c'est une fois de plus le délire dans le stadium. Très populaire, Sam Hunt. Écoutez son nouveau titre. The city's so unstar. All you see for miles of people spilling in and out of cars. Man, all of these bars are making a killing everywhere I go. Looks like the place to be. I see people that I know, but I feel like there's no one here but me. Downtown's dead without you. Girls walk by and friends say hi. In the strobes, out here in the throes of loud house music, everything's a blur. I don't hear the words, but lips are moving. Tried to get involved, but I've about had enough. People wall to the wall, and I'm just holding it up. 'Cause downtown's dead without you. Girls walk by. Friends say hi, but Friday night it might as well be just another Tuesday night without you. As long as you're still in my head, there ain't no way that I can paint a ghost town red. Downtown's dead. Downtown's dead. Drinks, bright lights. What am I doing with my life? Okay, I quit. I've had enough of this. These people are losing their minds. Can't get you out of my head. I'm calling it a night. I'm crawling back to your bed. Downtown's dead without you. Girl, walk by. Friends say hi, but Friday night it might as well be just another Tuesday night without you. As long as you're still in my head, there ain't no way that I can paint a ghost town red. Downtown's dead. Downtown's dead. Downtown's Death, c'était Sam Hunt, son nouveau titre. En tout cas, arrive ensuite Chris Stapleton avec un tonnerre d'applaudissements. Il est fidèle à lui-même, ce Chris Stapleton, chapeauté, barbu, assez statique sur scène, mais il enchaîne les tubes comme Millionaire ou Broken Halos. Le voici d'ailleurs, Chris Stapleton avec Millionaire. Mmh. They say love is more precious than gold. It can't be bought and it can't be sold. La surprise au Music City Center qui accueille les fans de country, comme au bon vieux temps de la fanfare, ce sera Garth Brooks qui répondra aux questions de Storm Warren, une personnalité sur une chaîne de radio par satellite, XM Sirius. Il répondra à ces questions devant des centaines de fans rassemblés pour l'occasion sur la close-up stage. Garth Brooks terminera son passage en direct avec un medley qui proposera des chansons que tout le monde connaît comme Friends in Low Places, The Dance, Calling Baton Rouge et The River dans une version acoustique. Il aime les défis. Garth Brooks, souvenez-vous, dans les années 90, il avait signé pendant 21 heures d'affilée des autographes à la fanfare. Il aime ça. Et puis, à noter que le dimanche, c'est le Day 4, le quatrième jour de ce CMA Fest. Eh bien, c'est peut-être, on peut le dire avec le recul, le show le plus intéressant au Nissan Stadium qui a eu lieu pendant tout ce festival. Ricky Skaggs a démarré la soirée, suivi de Brett Eldridge, Cole Swindle, Dierks Bentley. Et puis, Dierks en a profité pour faire monter sur scène quelqu'un qu'il aime bien. Il était ravi de l'avoir dans son show. C'est Dwight Yoakam. Dwight était également au Stagecoach en Californie. Il y a un mois, il avait eu beaucoup de succès. Et avec lui, il a chanté Fast As You. Et ça a été le délire vraiment dans le Nissan Stadium à Nashville. Et puis sont arrivés par la suite les frères Osborne qui ont rejoint également Dierks Bentley. C'était encore là un grand moment de ce festival version 2018. Le voici Dwight Yoakam avec Fast As You. Que c'est bon à réentendre ça. Bonne soirée, bonne nuit. Maybe someday I'll be strong. Maybe it won't be long. I'll be the one who's tough. You'll be the one who's got it rough. It won't be long and maybe I'll be real strong. Maybe I'll do things right. Start tonight. You'll need to cry like me. Imaginez ça au Nissan Stadium. Dwight Yoakam et Dierks Bentley. C'est ça le CMA Fest chaque année, début juin. Florida Georgia Line prendra le relais. Leur show est toujours très bien réglé. Ils commencent avec leur premier tube, Cruising. Ils ne manquent pas d'appeler sur scène Morgan Wallen pour If I Know Me. Puis les Backstreet Boys arrivent pour chanter avec Florida Georgia Line, God, Your Mama and Me. Et enfin, on l'attendait tous, Bébé Rexha est venu. Bébé Rexha, numéro 1 du top 10 avec Florida Georgia Line dans le Billboard depuis de nombreuses semaines. Vous connaissez la chanson aussi bien que moi. Elle s'appelle Mean to Be. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me? See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride. Come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't. Maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Débriefing sur RTL dans Double Country du CMA Fest version 2018. More hot new country, w country FM. Le show du dimanche soir se poursuit avec l'arrivée sur scène de Keith Urban qui alterne les anciens succès comme Blue and Your Color et des titres de son nouvel album, l'album You Graffiti. Il sent d'ailleurs en duo virtuel avec Julia Michaels qui apparaît sur les écrans géants du stade. Le premier titre succès de son nouveau disque Coming Home. Très bien produit ce nouvel album, You Graffiti. Keith Urban, Julia Michaels, dans Double Country. I wake up feeling in my soul. Living someone else's life. I'm turning into concrete, harder than these city streets, where no one even cares if I'm alive. I gotta get it right. Get it right. There's a place that I know that they all know me. I gotta get back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like the place that I know that they all know me. I gotta get back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let up she goes. There's nothing in the world that feels like coming home. Il bouge bien sur scène, qui s'ordonne. Et il joue superbement bien de la guitare. Coming home, I'm having, I can't sleep. Not even a memory is good enough to get me through the night. I'm longing for the real thing. People who know the real me and all the ways to love me back to life. I gotta get it right. Get it right. Ooh, yeah. There's a place that I know where they all know me. I gotta get back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like the place that I know where they all know me. I gotta get back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like coming home. It's only one call away, but it's not the same. Yeah, I know it's only one call away, but it's not the same. Just not the same. Yeah, I know it's only one call away, but it's not the same. It's not the same. Yeah, I know it's only one call away, but it's not the same. There's a place that I know where they all know me. I gotta get back now to the ones I love. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like the place that I know. Voilà, c'est presque terminé. Le CMA Fest s'achève par le show de Luke Bryan. Après avoir entendu Keith Urban, Luke Bryan monte sur scène et il ne demande pas de chanter son dernier single qui sent bon l'été et les vacances. Sunrise, Sunburn, Sunset, extrait de son album What Makes You Country. Daddy had a lake house. He had me painted that summer, sophomore year. Said I could stay for free, a couple buddies, a couple weeks. You rolled in a little red Honda and headed straight for the pier. Tank top and cut off jeans, a little pack sun underneath. Who knew it was about to be sunrise, sunburn. Voilà le CMA Fest, qu'on appelait avant le CMA Music Festival, et avant encore la fanfare, a vécu. Rendez-vous en 2019 pour d'autres aventures musicales. Merci à la CMA qui en a profité au cours d'une soirée organisée pour la presse, qui en a profité pour me reconnaître après 45 ans d'émission de radio à RTL. Je ne m'y attendais pas du tout. Thank you, CMA. Thank you, Nashville. Turn no shutters, the color of your eyes, till the day turned into night. And took turns with a jar, turned that boat dock into a bar. And then we passed the guitar around the fire to each other and watched all of our friends pair off with one another. Voilà, The Blue Country est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre The Blue Country, toujours sur RTL, le jeudi à partir de minuit. Bonne route si vous êtes